Chapitre 1. La nuit est noire, il pleut à verse, et la pluie, fouettée par le vent, grésille sur les vitres d'une maisonnette isolée, tout au bout du boulevard Voltaire et tout près de la place du Trône. Une maisonnette et non pas une villa, ni un petit hôtel. Un rez-de-chaussée, un étage et des mansardes. Pas de cour, pas de grille, pas de perron. Rien qu'une palissade en planche du côté de la rue. Et derrière cette clôture primitive, un terrain vague, qui confine à des jardins maraîchers. L'architecte n'a pas pris la peine de creuser pour asseoir des fondations. Cette bastide parisienne pose à plat sur le sol, comme si l'on y avait apporté toute bâtie. Elle est habitée, car il y a de la lumière à une des fenêtres du rez-de-chaussée. Qui peut demeurer là? Pas des capitalistes, bien certainement. Les capitaux n'y seraient pas en sûreté. Des commerçants? Pas davantage. Les chalands n'iraient pas les chercher si loin du centre. Cette niche en caillouteux ne convient guère qu'à un vieux rentier misanthrope, retiré là comme un hibou dans un clocher, ou encore à un ménage de petits bourgeois, réduit au strict nécessaire et cultivant des légumes dans leur enclos pour corser leur maigre pot-au-feu. Ainsi pensaient les passants qui remarquaient ce cube de maçonnerie, planté là comme une borne au milieu d'un champ. Ainsi pensaient même les voisins, qui connaissaient à peine de vue les occupants de ce château de la misère. Ils se trompaient tous, et il leur aurait suffi de passer le seuil de la maisonnette pour constater que si, à l'extérieur, elle ne payait pas de mine, elle était du moins confortablement meublée. La fenêtre éclairée était celle d'un petit salon garni de bons fauteuils, capitonnés, sans compter un divan bas, à la turque surchargé de coussins de toutes les couleurs. Un bon feu brûlait dans la cheminée. Quoiqu'on fût au mois d'avril, et la tablette de cette cheminée portait au lieu de la pendule dorée, qu'affectionnent les épiciers aisés, une statuette en bronze, signée d'un nom d'artiste connu. Le plancher était caché par un tapis de Smyrne, et les portes par des rideaux de soie écrue. Au milieu de la pièce, une immense table carrée, une table en bois noir, qui jurait un peu avec le reste du mobilier. Une vraie table de travail, sur laquelle s'étalaient de larges feuilles de papier à dessin, des règles, des équerres, des crayons, des compas. Et cette table n'était pas là pour rien. Elle servait aux travaux d'un homme perché sur un tabouret et courbé sur une épure dont il mesurait les lignes. En face de lui, une femme faisait de la tapisserie, à la lueur adoucie d'une lampe recouverte d'un abat-jour. L'homme avait au moins 50 ans, des cheveux noirs et drus qui commençaient à s'argenter, une longue barbe grisonnante et de grands yeux pleins de feu, qui illuminait son visage fatigué. La femme était belle, d'une beauté sérieuse, presque virile, qui la faisait paraître plus âgée qu'elle ne l'était. Mais ses 20 ans brillaient sur sa figure, fraîche comme une fleur printanière, et sa taille avait les souples rondeurs de la première jeunesse. Elle travaillait sans lever les yeux, et le silence n'était troublé que par le grondement de l'orage qui se déchaînait sur Paris. « Quel temps !» murmura-t-elle en posant son ouvrage sur ses genoux. Si j'étais seul ici, j'aurais peur. Notre cabane de pierre tremble sur sa base, et en vérité, je crains qu'elle ne finisse par s'écrouler. Elle tiendra bien encore un mois, dit l'homme en riant. Et avant un mois, ma Camille chérie, tu habiteras un bel appartement dans un beau quartier, en attendant que tu habites un château acheté sur mes économies. Maintenant que j'ai de quoi exploiter mon brevet, notre fortune est faite. Tu me l'as dit, père, reprit la jeune fille, mais je n'ai pas encore pu m'accoutumer à l'idée que nous allons être riches. Nous le sommes déjà, puisque j'ai touché ce matin 20 000 francs comme entrée de jeu. Et ce n'est rien, au prix de ce que rapportera mon invention. Te figures-tu ce qu'il y a de machines à vapeur dans le monde entier? Eh bien, d'ici à peu, toutes me payeront tribut, car pas une ne pourra se passer du condensateur Monistrol. Et dire que je travaillais depuis 20 ans sans arriver à un résultat pratique, lorsque j'ai rencontré ce brave Gémozac, qui m'a ouvert sa caisse pour me mettre à même d'appliquer mon système. Maintenant, je ne doute plus du succès. Mais laisse-moi achever ce travail que je dois remettre demain matin à mon associé. Il est bientôt 10 heures, et quand j'aurai fini, il me faudra encore, avant de me coucher, serrer les 20 beaux billets de 1000 que j'ai reçus aujourd'hui. Je suis si peu habité à avoir de l'argent que je ne sais où les loger. Ça manque de coffre-fort ici. Tu les as donc sur toi? Demanda Camille. Les voici, dit Monistrol en les posant sur la table. Tu pourras les enfermer provisoirement dans mon armoire à glace. Mais je t'en prie, père, porte-les demain chez un banquier. Tant qu'ils seront chez nous, je ne serai pas tranquille. Cette maison est à la discrétion du premier coquin venu, Et on nous assassinerait tous les deux, que personne ne nous entendrait crier. La nuit, le boulevard Voltaire est désert. Pas ce soir, mignonne. C'est la foire au pain d'épices sur la place du Trône. Et elle attire du monde, même quand il fait un temps de chien. Écoute plutôt, on entend la musique. En effet, le vent leur apportait l'écho lointain des instruments de cuivre, qui faisaient rage devant les baraques des saltimbanques. Du reste, reprit Monistrol, avant de monter dans ma chambre, j'irai mettre les verrous à la porte d'en bas. Reprends ta tapisserie, mon enfant, pendant que je terminerai mon travail. Ce ne sera pas long. Le père et la fille se remirent à la besogne, chacun de son côté. Le père avec ardeur, la fille assez mollement. Les doigts de Camille manœuvraient distraitement l'aiguille dans la laine, mais ses yeux ne suivaient plus son ouvrage. Elle rêvait au brillant avenir qui s'ouvrait devant elle et à la vie paisible qu'elle allait quitter. Elle la regrettait déjà, cette existence modeste qui suffisait à la rendre heureuse, et la richesse l'effrayait. Camille n'avait pas d'ambition, mais elle était nerveuse à l'excès, et elle se trouvait dans la même position d'esprit qu'un homme qui va s'embarquer pour un pays inconnu, et qui préférerait ne pas s'éloigner du village où il est né. Son imagination surexcitée ne lui montrait que les périls du voyage, et elle avait le vague pressentiment d'un malheur prochain. Un bruit très léger la fit tressaillir, un craquement presque imperceptible. On eût dit qu'on marchait avec précaution dans la salle à manger, qui n'était séparée du petit salon que par une double portière, dont les embrasses étaient dénouées. Elle se tut de peur de troubler son père, qui n'avait rien entendu, absorbé qu'il était par son travail. Mais elle leva la tête, et elle regarda attentivement. Elle ne vit d'abord rien d'insolite, et comme le bruit avait cessé, elle allait se remettre à sa tapisserie lorsqu'elle crut apercevoir une main qui s'était glissée entre les deux rideaux et qui se détachait en noir sur le fond clair d'une des portières de soie. Était-ce bien une main, cette tache noirâtre qui tranchait sur le rideau blanc? Camille en douta d'abord, mais elle ne parvenait pas à s'expliquer cette étrange apparition. Elle crut même être dupe d'une illusion d'optique. Le feu se mourait dans l'âtre et la lumière de la lampe commençait à baisser, si bien que le salon s'emplissait d'ombre et qu'elle ne distinguait plus nettement les objets. Elle aurait voulu fermer les yeux, et elle ne pouvait pas. Ce point noir la fascinait. Cela ressemblait à une araignée énorme, armée de pattes velues, et cela ne bougeait pas. Était-ce la griffe de quelque bête monstrueuse? Camille n'était pas poltronne, et pourtant elle sentait son sang se glacer dans ses veines. Monistrol, qui tournait le dos à la porte, continuait à tirer des lignes avec acharnement. À force de regarder, elle finit par compter les 5 doigts d'une main cramponnée au rideau, des doigts noueux et crochus comme les pinces d'un crabe. Le pouce, largement écarté des autres, était d'une longueur démesurée et se terminait par un ongle recourbé, comme en ont les serres des vautours. À ce moment, par l'entrebâillement des deux portières, Camille vit briller dans l'ombre des lueurs qu'elle prit pour les scintillements de la lame d'un poignard. « Père, au secours » cria-t-elle en tendant les bras vers la porte. À cet appel inattendu, Monistrol se retourna vivement, mais il n'eut pas le temps de se lever. D'un seul bond, un bond de tigre, l'homme caché dans la salle à manger sauta sur lui. Une main, la gigantesque main que Camille avait vue, s'abattit sur le paquet de billets de banque. L'autre saisit à la gorge le malheureux inventeur, qui en se débattant renversa la lampe. Camille se précipita pour défendre son père, mais le voleur la repoussa d'un coup de pied qui l'envoya rouler sur le parquet. Elle ne perdit pas courage, et elle eut la force de se remettre debout. Mais le salon était plongé maintenant dans une obscurité profonde. Elle entendait des trépignements, des râles, et elle ne voyait rien. Elle se heurta d'abord à la table, et il lui fallut tourner cet obstacle pour saisir le misérable qui tenait Monistrol. Elle essaya de s'accrocher à son vêtement, mais elle ne trouva pas prise. Ses doigts glissèrent sur une étoffe lisse, puis ils rencontrèrent de petites aspérités qu'elle arrachait avec ses ongles, sans parvenir à étreindre l'homme qui lui glissait entre les mains comme une anguille. Il ne cherchait pas à la frapper. Il ne cherchait qu'à en finir avec Monistrol et à se sauver en emportant l'argent. Cela ne tarda guère. Monistrol s'affaissa, et après l'avoir couché par terre comme un lutteur vaincu, le voleur le lâcha, se releva prestement et s'enfuit. Son coup était fait. Il tenait les 20 000 francs, et il ne songeait plus qu'à s'esquiver, sans se donner la peine d'assommer la jeune fille, qu'il croyait être hors d'état de le poursuivre. Il se trompait. Camille supposait que son père n'était qu'étourdi, car il n'avait pas jeté un cri en tombant. Un homme vigoureux ne meurt pas d'une poussée, si violente qu'elle soit, et le voleur n'avait pas montré d'autre arme que ses poings. « À moi, père ! » cria-t-elle. « Il ne nous échappera pas. » et elle courut après le bandit, qui était déjà dans l'escalier. Il enfila la porte qui donnait sur l'enclos et qu'il avait laissée ouverte, traversa rapidement le terrain qui s'étendait entre la maison et la palissade, franchit d'un saut cette clôture basse et se lança sur le boulevard Voltaire, dans la direction de la place du Trône. C'était précisément ce que souhaitait Camille. Elle se disait qu'elle trouverait des sergents de ville au rond-point où se tenait la foire, et qu'ils arrêteraient cet audacieux gredin. Il s'agissait seulement de ne pas se laisser distancer. Or, elle avait de bonnes jambes et pas de sots préjugés. Peu lui importait de courir les rues en cheveux, en peignoir, en pantoufles, et de se montrer dans cet équipage aux badauds attroupés devant les baraques des saltimbanques et devant les boutiques où l'on vend du pain d'épices. Monistrol, au lieu de l'élever comme une belle demoiselle, lui avait appris de bonne heure à se servir elle-même. Elle faisait le ménage et la cuisine, ni plus ni moins qu'une simple ouvrière. Elle allait aux provisions chez les fournisseurs, et elle n'avait peur de rien, pas même des galants de rencontre, qui l'obsédaient quelquefois de leurs sots propos. Et si elle tenait tant à rattraper le voleur, ce n'était pas que la perte des 20 000 francs la touchât beaucoup, mais son père avait besoin de cet argent pour perfectionner l'invention sur laquelle il fondait toutes ses espérances. Elle comptait bien le lui rapporter, et elle n'avait pas songé au seul instant qu'elle aurait mieux fait de lui donner des soins que de sauver sa petite fortune. Elle se figurait même qu'il était déjà sur pied, et qu'il allait la rejoindre pour l'aider à arrêter l'homme au doigt crochu, qu'elle ne perdait pas de vue, quoiqu'il courût plus vite qu'elle. La pluie avait cessé, ce n'était qu'une pluie d'orage, et les flâneurs de la foire, qui s'étaient mis à l'abri pendant l'averse, remplissaient de nouveau la place du Trône. Les parades recommençaient, les trombones tonnaient de plus belle, c'était de tous les côtés un tapage infernal, qui aurait couvert sa voix si elle eût crié « Au voleur !» L'homme filait toujours, et chaque fois qu'il passait devant un bec de gaz, elle le voyait distinctement. C'était un grand gaillard bien découplé, autant qu'elle pouvait en juger, car il était enveloppé de la tête aux pieds dans un pardessus de caoutchouc jaunâtre. Elle comprenait maintenant comment il avait pu se dérober lorsqu'elle l'avait saisi, mais elle ne comprenait pas encore pourquoi elle s'était écorché les doigts en s'accrochant à lui. Du reste, ce n'était pas le moment de chercher des explications rétrospectives. L'homme venait de déboucher sur la place, et au lieu de se diriger vers le centre du rond-point, afin de se perdre dans la foule, il avait tourné à gauche, derrière une grande baraque en planches. Camille, qui avait gagné du terrain, le suivait maintenant de très près. Elle se jeta bravement dans ce coin sombre et désert, sans se demander si le voleur ne l'attendait pas là, pour tomber sur elle et lui tordre le cou. C'était d'autant plus à redouter qu'il venait de s'arrêter, et qu'il se tenait collé contre les planches de la baraque, comme pour se préparer à l'assaillir au moment où elle passerait à sa portée. Mais Camille était trop lancée pour reculer. « Ah, brigand, je te tiens » cria-t-elle en se précipitant. Elle allait le saisir lorsqu'il disparut subitement. Elle entendit le bruit sec d'une porte qu'on ferme et elle comprit. Le drôle était de la troupe d'acrobates qui travaillait en ce moment dans la baraque et il venait de s'y introduire, par l'entrée des artistes. Camille ne pouvait pas les suivre par le même chemin. Mais rien ne l'empêchait de passer avec le public et de faire empoigner son voleur en pleine représentation. « Je n'ai pas vu son visage, » pensait-elle, « mais je suis sûre de le reconnaître à ses mains. » Camille ne se demanda point si l'homme n'allait pas rouvrir la porte et se sauver, pendant qu'elle le chercherait dans l'intérieur de la baraque. Elle était si acharnée à le poursuivre qu'elle ne raisonnait plus et qu'elle ne songeait même pas à s'étonner que son père ne l'eût pas encore rattrapé. Sans perdre une seconde, elle se glissa entre la cabane en planche et une boutique en toile, où on vendait des macarons, tourna l'angle de la cabane et déboucha en pleine lumière au milieu d'un rassemblement de gens, qui bâillaient aux corneilles devant une estrade éclairée par une douzaine de quinquets. Sur ces tréteaux se démenaient 6 musiciens, déguisés en lanciers polonais, un pitre à queue rouge, un gamin d'une douzaine d'années, habillé de toile à matelas et une femme court-vêtue qui allait et venait, une baguette à la main, comme une fée de théâtre. La représentation était commencée, mais probablement la salle n'était pas pleine, car le pitre s'égosilla à crier « Entrez, messieurs, entrez pour voir la dernière exercice du célèbre zigzag de la tribu des bénis Digdig. Prenez vos billets. Ça ne coûte que 50 centimes aux premières, 25 centimes aux secondes, et 2 sous pour messieurs les militaires non gradés. » La femme reprenait le refrain d'une voix de fausset. Et tout en promenant sur la foule des regards insolents, elle cinglait sournoisement avec sa baguette les maigres mollets du pauvre petit diable de paillasse qui grimaçait pour cacher ses larmes. Il ne paraissait pas que ce boniment fît de l'effet, car les badauds ne se pressaient pas d'entrer. Quelques-uns admiraient la fée, qui était une brune, aux yeux noirs, bien campés sur ses jambes, et véritablement jolie, en dépit de sa physionomie dure. D'autres agaçaient un énorme bouledogue qui leur répondait par de furieux aboiements. Camille ne s'arrêta point à ces bagatelles de la porte. Elle fendit l'attroupement et elle arriva au pied de l'escalier à claire-voie, juste au même moment que deux jeunes gens, qui avaient l'air d'être un peu lancés. Deux viveurs mondains venus là par fantaisie excentrique, après avoir dîné dans un cabaret à la mode, fort loin de la place du trône. Ils s'arrêtèrent ébahis en apercevant Camille, que le désordre de sa toilette n'en laidissait pas du tout, et quoiqu'ils la prissent peut-être pour une fille, ils s'effacèrent pour la laisser passer. Elle franchit lestement les marches vermoulues de l'escalier branlant, et à peine arrivée sur l'estrade, elle courut droit à l'entrée du théâtre gardée par une vieille édentée qui recevait le prix des places, et qui lui dit d'une voix de rogome « C'est 10 sous les premières, ma petite dame !» Camille mit la main à sa poche, n'y trouva rien, et fit un geste désespéré, en se rappelant qu'elle n'avait pas pensé à se munir d'une pièce blanche pour courir après les 20 000 francs de son père. La vieille comprit cette pantomime et reprit en ricanant « On n'entre pas à l'œil, ma belle. Faites-vous payer le spectacle par ces messieurs. » Elle désigna les jeunes gens qui étaient montés derrière Camille. « Voilà pour 3, dit le plus grand des deux, en jetant une pièce de 5 francs dans la sébile, à moitié pleine de gros sous. Camille ne le remercia même pas, et elle entra précipitamment, sans se préoccuper de voir si les deux élégants la suivaient. Les places vides ne manquaient pas. Elle alla s'asseoir sur la première banquette, tout près d'une bande joyeuse de commis de magasin et de demoiselles de comptoir, qui mangeaient des oranges et qui parlaient très haut. C'était l'élite des spectateurs, car il n'y avait guère là que des ouvriers en blouse, des gavroches mal peignées, des troupiers et des bonnes. L'assemblée était houleuse. Aux premières, on riait bruyamment. Aux secondes, on braillait. Aux troisièmes, on imitait le coq et d'autres animaux. Mais les cris qui dominaient, c'était « Zig-zag, en scène, zig-zag !»« Où-ce qu'il est donc, le feignant ? Il saura cavaler pour aller voir sa connaissance. T'es donc ton bec. Elle est à montrer ses mollets sur l'estrade, sa connaissance. C'est celle qui a une badine à la main. » Ces dialogues à la volée se croisaient dans l'air empesté par la fumée des quinquets et la scène restait vide. Évidemment, Zigzag était le favori de ce public forain, et Zigzag était en retard. Zigzag manquait à son devoir d'artiste. Camille, abasourdie par ce vacarme, s'avisa pour la première fois de réfléchir à ce qu'elle avait fait en se jetant à l'étourdi dans la baraque. Le voleur y était entré, mais comment le retrouver parmi cette foule? Elle se dit cependant que puisqu'il avait la clé de la porte des coulisses, il devait faire partie de la troupe. Elle eut même le soupçon que ce pouvait être le Zigzag, dont le nom était dans toutes les bouches, et qui se faisait attendre. Mais elle commençait à avoir honte de se trouver là, dans un négligé qui attirait déjà l'attention de ses voisines, et elle se reprenait à penser qu'elle eût mieux fait de rester près de son père, qu'elle avait laissé étendu sur le parquet du petit salon, et qui ne s'était peut-être pas relevé de sa chute. Elle se mit à maudire le premier mouvement qui l'avait lancé sur les traces du voleur, et avec la vivacité d'impression qui était son plus grand défaut, elle se décida à sortir. En se retournant, elle vit que le jeune homme qui avait payé pour elle avait pris place avec son ami sur la seconde banquette, et elle entendit ces mots échangés à demi-voix. « Elle est belle comme on ne l'est pas. » Je ne dis pas le contraire, mais elle a tout l'air d'une coureuse. Le rouge monta au visage de Camille, et au lieu de se lever pour partir, elle fit volte-face au moment où ces messieurs qui causaient entre eux, la tête basse, allaient en se redressant se trouver nez à nez avec elle. Le pitre qu'elle avait vu parader sur l'estrade entra en scène, s'avança en saluant gauchement, ouvrit une bouche fendue jusqu'aux oreilles et commença ainsi. « Mesdames et messieurs, nous allons continuer les exercices par tête en avant. Un nouveau tour de Monsieur Zigzag, premier sauteur des deux mondes. Ce grand artiste, retardé par une affaire importante, va apparaître enfin. »« Quelle affaire ? » crièrent des voix. « Il est allé boire 1 litre, » répondit le jocrisse avec un sérieux parfait. Et il s'éclipsa, poursuivi par les huées des spectateurs. « Ce Zigzag n'est pas l'homme que je cherche, » pensa Camille. « Mon voleur n'aurait pas eu le temps de s'habiller en clown. N'importe, je veux le voir. » Presque aussitôt, lancé de la coulisse comme un boulet de canon, Zigzag traversa la scène en tournant sur lui-même avec une rapidité vertigineuse. Ce tourbillon scintillait comme un miroir à prendre les alouettes. « C'est lui, » murmura la jeune fille. « Ce sont les paillettes de son costume qui brillaient dans l'ombre et qui m'ont écorché les doigts quand j'ai essayé de le saisir. »